animera le gala pour une 10e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Écoutez l'autre gala et le gala de la disque. Deux rendez-vous les 27 octobre et 8 novembre. En collaboration avec Musique Plus, Musimax et ici Radio-Canada Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca. Alors, bonjour, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable, cette émission d'actualité économique et politique d'Attaque Québec, l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. C'est Dominique Bernier qui anime aujourd'hui en remplacement de Jean Cloutier. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce merveilleux samedi. Aujourd'hui, on va avoir une émission assez dense, une émission axée sur les paradis fiscaux. Pourquoi les paradis fiscaux? Ben en fait, et on va parler de la commission parlementaire qui a eu lieu récemment à la mi-septembre sur les paradis fiscaux, en particulier le mémoire d'Attaque Québec qui a été déposé. Alors, on va faire le tour de la question avec Roger Lanoux, qui est militant d'Attaque Québec depuis un certain temps déjà quand même, et qui a présenté le mémoire pour nous. On va aussi parler, bien sûr, de la Bahamas Leak, de cette fuite de nombreuses données concernant les compagnies qui sont enregistrées dans le paradis fiscal du Bahamas, dont plusieurs compagnies canadiennes. Donc, on va faire le tour de la question en deuxième partie. Et enfin, on va aussi parler un petit peu, on va avoir un extrait d'Alain Deneau et de son passage en commission parlementaire qui nous ramène des questions fondamentales et qui a pris maille à partir en fait avec les élus qui étaient là pour l'entendre. Et personnellement, ça m'a beaucoup inspiré cette prise de position, toujours avec sa manière habituelle, Alain Deneau, d'aller droit au but et où chaque mot est une flèche décochée à l'endroit de nos élus qui sont plus ou moins assez peu actif sur cette question. Et finalement, en deuxième partie d'émission, je vais vous parler d'un élément qui est assez proche des paradis fiscaux, ce sont les contrats à impact social. Alors, qu'est-ce que c'est? On va le découvrir ensemble en deuxième partie. Et avant de passer à l'entrevue de Roger Lanoux qui a été réalisée par Jean Cloutier, on va aller à une première pause musicale. Concessionnaire, toutes les routes meurent sur terre. Les morts ont appris à se taire. Et je cry, baby who? À Paradise City. Et je cry, baby who? À Paradise City. Les chemins mènent en enfer et rien de rien ne t'appartient. Que les couleurs du ciel immense, un jour de mai, tout recommence. Tendre la nuit, les illusions qui meurent, les idées de bonheur. Je suis un voleur d'éternité dans un monde blessé. Et je cry, baby who? À Paradise City, à Paradise City. Et je cry. City, à Paradise City. Cours, cours, cours, cours, le vent remplissant les étranges oranges du temps. Nous sommes les marionnettes du temps qui s'arrête. Did you cry? Did you cry, baby? Who? À Paradise City, à Paradise City. Did you cry? Did you cry, baby? Who? À Paradise City, à Paradise City. Paradise City par notre Jean Leloup national. Alors oui, on peut bien pleurer de ce qui se passe dans ces paradis fiscaux. On peut surtout pleurer de l'inaction de nos gouvernements qui restent de glace face aux révélations qui se succèdent dans l'actualité concernant ces paradis fiscaux, concernant l'ampleur de l'évasion fiscale qui prive le trésor public de dizaines de milliards de dollars par année. Ensuite, on coupe dans les services publics, comme toujours, sans avoir aucune espèce d'intention d'aller chercher cet argent qui nous échappe par ces manipulations comptables, par ces stratagèmes agressifs qui visent à détourner des fonds et à faire en sorte que les multinationales paient de moins en moins d'impôts. Donc, si tous les chemins mènent en enfer en passant par les paradis fiscaux, c'est pas l'enfer pour tout le monde. Il y en a qui en sortent gagnants, et ce sont les nombreuses multinationales qui utilisent ces stratagèmes comptables pour nous priver de l'argent qui nous revient. Donc, il y avait cette commission parlementaire qui a été mise sur pied, je dirais même en partie grâce à l'action d'Attaque Québec et d'autres groupes comme le collectif Échec aux paradis fiscaux, comme la coalition Main Rouge qu'on connaît bien aussi et dont on parle souvent à l'émission. Beaucoup, beaucoup d'intervenants de la société civile réclamaient que le gouvernement se penche sur la question des paradis fiscaux depuis très, très longtemps. On sait que le gouvernement est très, très actif quand vient le temps de lutter contre le travail au noir, entre guillemets, contre le petit commerçant qui ne charge pas la TPS, la TVQ sur un pourcentage de ses factures, contre la serveuse qui ne déclare pas l'ensemble de ses pourboires. Bon, c'est plus possible de le faire maintenant, mais à une époque, c'était la grosse affaire, on le sait. Or, les montants qui sont liés au travail au noir, que ce soit dans l'industrie de la construction, dans le commerce de détail ou dans les services, c'est minime comparé à tout l'argent qui nous échappe en raison de du recours aux paradis fiscaux, à l'évasion fiscale et à l'évitement fiscal. Donc, on comprend mal l'inaction du gouvernement. Ben, en fait, on la comprend d'une certaine manière, même si on ne l'approuve pas. On sait que, en fait, de nombreux politiciens sont assez liés avec l'entreprise privée et ne souhaitent pas déplaire à l'entreprise privée, aux grandes multinationales, pour la simple et bonne raison que ils s'assurent d'une certaine manière, pour il faut pas généraliser, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre eux, ils s'assurent une place à la fin de leur parcours politique. On comprendra. Lorsque des anciens politiciens vont travailler dans des boîtes des firmes conseils d'avocats ou autres, ou auprès des banques pour aider par la suite des compagnies à éviter l'impôt, bien, on comprendra qu'ils ne vont pas mettre de mesures fermes pour ralentir ou pour lutter contre l'évasion fiscale qui a lieu à cette échelle-là. On le comprendra très bien, même si ça nous paraît inacceptable. Donc, je disais, à la mi-septembre, finalement, une commission parlementaire s'est penchée sur la question des paradis fiscaux et plusieurs intervenants de haute qualité y étaient invités. En particulier, on pense à Alain Deneau, donc qu'on va entendre un peu plus tard dans l'émission, mais aussi Attaque Québec y a présenté un mémoire qui a été défendu par le militant Roger Lanoux, membre du conseil d'administration d'Attaque, qui est aussi, il faut le rappeler, ancien vice-président d'Hydro-Québec et ancien président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien les questions économiques. Il est économiste aussi de formation. Donc, il était très apte à présenter notre mémoire et à répondre aux questions des commissaires. Je vous propose d'entendre l'entrevue réalisée par Jean Cloutier. Le 15 septembre dernier, Roger Lanoux, porte-parole d'Attaque Québec, présentait le mémoire d'Attaque Québec, effectivement, à la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale du Québec sur le thème, en fait le titre, « Les paradis fiscaux sont-ils légitimes? Résistons pour une plus grande justice sociale. » Merci Roger Lanoux de venir reparler de votre mémoire ici à l'émission Grain de sable. Ça me fait plaisir. En fait, comme les commissaires, les députés membres de la commission vous l'ont si bien dit, ça fait plus de 20 ans, et je crois même Amir Kadir, député de Québec solidaire, a remercié le travail d'Attaque Québec et d'Attaque France et de tous les attaques, dont celle de France fondée en 1998. On rappelle que l'Attaque, c'est l'Association pour une taxe sur les transactions financières et pour l'action citoyenne. Et donc, vous êtes vraiment pour dénoncer ces paradis fiscaux qui sont une injustice fiscale. Mais d'abord, définissons qu'est-ce que l'évitement fiscal qui, en fait, repose sur une planification fiscale agressive et désigne tous les procédés qui, sans être illégaux, ne respectent pas l'esprit de la loi. Alors que l'évasion fiscale, elle, concerne la non-déclaration des revenus légaux ou dissimulation des revenus illégaux ou désobéissance aux règles fiscales locales. Mais d'entrée de jeu, Roger Lanoux, porte-parole d'Attaque Québec, sans banque, pas de paradis fiscaux? Oui, effectivement, les banques sont un mécanisme à peu près obligatoire pour faire fonctionner les paradis fiscaux. C'est-à-dire que les planifications dites agressives pour éviter des impôts peuvent être aidées par toutes sortes de conseillers, y inclut quelques grandes firmes bien connues. Mais concrètement, les transactions, les flux d'argent de pays en pays ou de compte en compte ne se font que par les banques. La raison pour laquelle on mettrait ça en lumière, c'est que chacune de ces corporations-là peut fonctionner en fonction de ce qui est profitable pour elles, bien sûr, sauf que les banques sont là pour, en principe, un service public, c'est-à-dire gérer la monnaie, et c'est les gouvernements qui leur donnent le monopole sur cette fonction-là. Donc, si un des outils, certainement, à la disposition des gouvernements, c'est de mieux réglementer les banques. Est-ce qu'il faut criminaliser les banquiers? Tels des fugitifs? Les criminaliser, évidemment, il faudrait d'abord déterminer ce qui est criminel ou pas dans l'utilisation des paradis fiscaux. En ce qui nous concerne, c'est illégitime, c'est une injustice, parce que seuls les individus de la classe moyenne et les PME finissent par payer des impôts, alors que les grandes corporations et les gens très riches réussissent à les éviter parce qu'ils ont les moyens de se payer les mécanismes qu'il faut. Alors, ceux qui fournissent les mécanismes et les banques en sont, est-ce que c'est criminel ou pas? Quelle serait la meilleure façon juridiquement de le faire? On veut pas être trop précis là-dessus parce qu'on se fait attaquer sur le moyen. Ce qu'on voulait mettre en exergue, c'était le fait que les gouvernements encouragent ou tolèrent l'existence des paradis fiscaux et les mécanismes, ça devrait être c'est ça qui devrait changer d'abord comme geste politique. Le reste s'ensuit, à savoir quelles sont les réglementations et les législations qui seraient utiles pour faire cette lutte-là, pour résister au phénomène d'éviter des impôts de la part de ceux qui ont les moyens de le faire. Mais c'est une économie au service de qui, finalement? Comme vous l'avez mentionné un peu, là, Attaque est une organisation internationale. Il y a une vingtaine de pays dans lesquels il y en a, et une des attaques, la seule en Amérique du Nord, c'est Attaque Québec. Et l'analyse générale que les attaques en font, en tout cas c'est ma synthèse, c'est que fondamentalement, il y a trois grands moyens qui sont utilisés par les puissants de ce monde, et bien moins, et ça implique l'affaiblissement des gouvernements. Il y a l'affaiblissement des gouvernements en augmentant les dépenses au bénéfice des corporations. Puis là, le cas le plus patent, c'est les dettes des gouvernements, puisque depuis le début des années 70, les gouvernements ne peuvent plus emprunter sans intérêt à leur propre banque centrale. Le deuxième, c'est diminuer les revenus des gouvernements via des impôts et provenant des personnes qui contrôlent beaucoup d'argent. Puis là, l'outil numéro un pour ça, c'est justement les paradis fiscaux dont on parle dans le cadre de la commission parlementaire que nous commentons aujourd'hui. Et donc, ils économisent des impôts, mais il y a d'autres moyens. Il y a les fiducies, la diminution des taxes sur le capital, il y a des reports d'impôts, il y a toutes sortes de façons de diminuer les revenus des gouvernements vis-à-vis de la part des personnes morale ou physique les plus riches. Le troisième moyen, c'est d'affaiblir le gouvernement en contraignant leur capacité de légiférer et réglementer. Puis ça, l'outil principal, c'est les traités qu'on appelle traités de libre-échange. Puis en fait, concrètement, c'est beaucoup plus une façon de protéger le capital des corporations les plus riches, donner des droits aux corporations de façon à ce qu'elles puissent poursuivre ou menacer de poursuivre les gouvernements si les gouvernements adoptent quelque chose pour protéger les citoyens, protéger les travailleurs, protéger l'environnement, etc. Bon, alors ça, c'est, puis on a donné des exemples, mais Oui, avez-vous des exemples concrets? Ça fonctionne au bénéfice des plus puissants ou des détenteurs des capitaux. Avez-vous des exemples concrets de cette hyper-collusion? Oui, disons que par exemple, on a au Canada un exemple qui est plutôt bien connu dans le monde du libre-échange. Là. Il y a une compagnie qui est pertinente au Québec, une compagnie en Alberta qui s'appelle Lone Pine Resources, qui est une société qui est incorporée, qui a une société canadienne, donc d'Alberta, qui s'est incorporée aussi une filiale dans une législation de complaisance au Delaware aux États-Unis. Cette corporation, donc américaine, la filiale de la canadienne, poursuit actuellement le gouvernement fédéral canadien pour une somme de 250 millions de dollars US pour perte de profit qu'il n'aurait pas gagné entre 2012 et 2014 parce que le gouvernement du Québec a eu un moratoire sur les forages pétroliers et gaziers pendant 2 ans dans l'estuaire de Saint-Laurent. Alors, effectivement, la compagnie avait des droits d'exploration. Elle n'a pas pu les faire pendant 2 ans. Puis, à cause de ça, la compagnie prétend que c'est des profits, 250 millions de profits qu'ils n'ont pas pu faire. De toute évidence, c'est faux, puisque depuis ce temps-là, où le moratoire est fini, ils ne sont pas plus avancés, je crois, en termes de profits qu'ils ont pu faire sur les présumés hydrocarbures dans le lit de Saint-Laurent. Mais on voit là une société canadienne qui utilise un subterfuge étranger pour poursuivre le gouvernement canadien à cause d'une législation ou réglementation que, dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec avait fait. Alors, donc, ce genre de mécanisme-là, bien sûr, un, ça permet aux corporations de poursuivre les gouvernements et non pas l'inverse. Les gouvernements ne peuvent pas poursuivre les corporations, sinon, évidemment, dans un autre mécanisme que celui prévu par les traités de libre-échange. Puis d'autre part, c'est surtout que les gouvernements hésitent à adopter des réglementations et législations qu'ils pourraient trouver politiquement bénéfiques à cause de la menace de ces poursuites-là de la part des corporations. On peut comprendre que Attaque Québec et tous les autres attaques des divers pays appellent leur gouvernement à résister. Mais quelles ont été vos recommandations lors de la commission parlementaire devant les députés et membres de la commission? Il y en avait plusieurs. Là. Évidemment, ça prend pour acquis que le gouvernement du Québec est d'accord avec l'idée que c'est l'existence ou la tolérance du mécanisme des paradis fiscaux implique une injustice sociale, une injustice fiscale. Alors, la première chose que le gouvernement du Québec pourrait faire, c'est faire une estimation annuelle des revenus perdus en raison de l'existence des paradis fiscaux. Alors, il y a une estimation financière directe, là, combien d'impôts le gouvernement n'a pas reçu, puis d'autre part, quels sont ceux qui n'ont pas été perçus parce qu'on s'est senti forcé de baisser nos taux d'imposition aux plus riches et aux corporations par crainte de voir ces fortunes-là s'éclipser vers d'autres environnements ou d'autres gouvernements ou d'autres pays qui, fiscalement, sont plus cléments. Alors, ça, c'en est une première. Le deuxième, c'est, au moins faire attention que vis-à-vis des entreprises bancaires qui sont ici au Québec, et bien sûr, la majorité des banques ont des chartes fédérales, et donc c'est Ottawa qui a le pouvoir, mais même au Québec, le gouvernement a le pouvoir de poser des questions aux banques sur les activités qui se passent sur le territoire du Québec. Puis d'autre part, il y a aussi le mouvement Desjardins, qui, si je comprends bien, d'après les réactions des membres de la commission, a plutôt bien collaboré à la commission sur les paradis fiscaux, mais ont aussi... Des bureaux à la Cité de Londres? Possiblement, c'est ça. Ils ont des... Possiblement, ou il y en a? À la Cité de Londres, possiblement, oui. Leurs activités financières les obligent à avoir des institutions à Londres, mais en tout cas, cas, la porte est ouverte puisque de citer à Londres est un des plus importants, en tout cas, un des premiers paradis fiscaux importants, certainement, depuis la dernière guerre mondiale. Vous avez aussi fait des recommandations en ce qui concerne la Caisse des dépôts et de placement. Oui, on avait une des choses qui pourrait rester, le gouvernement pourrait exiger que la Caisse des dépôts fasse pression auprès des entreprises où elle a des investissements de façon à ce qu'elle ferme toute filiale dans les paradis fiscaux. Et donc, il y a eu plusieurs questions de la part de députés là-dessus, justement, parce que effectivement, c'est faisable. Et ça ne veut pas dire que la Caisse de dépôt, d'après les, par exemple, l'ancien ministre des Finances du Parti québécois, là, Nicolas Marceau, que c'est pas sûr du tout que on aurait des ferait moins de revenus ou aurait un taux de rendement moins élevé si elle investissait que dans des filiales qui n'ont pas de, que dans des entreprises pardon qui n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux. Et Roger Lanoux, vous avez aussi dénoncé Revenu Québec qui, d'après vous ou vos recherches, ferait affaire avec des entreprises de logiciels, entre autres ceux qui nous permettent de faire notre rapport d'impôt. Eh bien, eux-mêmes feraient de l'évasion fiscale ou quelque chose du genre. Oui, effectivement, là, des compagnies comme HR Block, puis il y en a quelques autres là qui. HR Block. Ah ouais. Oui, qui ont soit leur siège social dans les paradis fiscaux ou encore qui ont des filiales importantes dans les paradis fiscaux. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que techniquement, ils ne font pas bien ce qu'ils sont supposés faire entre les citoyens ou les entreprises versus Revenu Québec. Sauf que c'est quand même bizarre si le gouvernement du Québec a une orientation de ne pas encourager les entreprises qui ont des activités dans les paradis fiscaux et qui s'arrangent pour ne pas payer d'impôts. Il doit y avoir des alternatives à ce que sont actuellement les quatre principaux partenaires de Revenu Québec. Et en terminant, quelles ont été les réactions principales? Je sais que vous avez d'autres recommandations, mais si on s'intéresse plutôt aux réactions des commissaires, comment retenez-vous votre expérience? Avant de passer à ça, je qualifierais certainement une des recommandations qui est importante, à savoir que quand le gouvernement finance ou donne accès à des crédits ou donne accès à des subventions, toutes ces entreprises-là, ben, il devrait y avoir une vérification minimale, à savoir qu'ils ne font pas affaire dans les paradis fiscaux, de façon analogue qu'on ne tolérerait pas d'aider en tant que gouvernement des entreprises qui exploitent des enfants dans certains pays où c'est parfaitement légal dans ces pays-là, ou encore qui détruisent les forêts tropicales ici ou là, de même, si on trouve immoral ou inacceptable, même si c'est légal dans tel ou tel pays, d'avoir qu'il existe des mécanismes pour éviter l'impôt, ce n'est pas des choses qui devraient être encouragées par le gouvernement du Québec. Les réactions, si je passe à ça maintenant, je pense que plusieurs ont été impressionnés, comme vous avez mentionné un peu au début de l'entrevue, là, par exemple, Amir Kadir a dit que possiblement même à la limite sans les attaques du monde qui ont monté en épingle et fait connaître et sensibiliser le public à la question des paradis fiscaux, possiblement même cette commission parlementaire-là n'aurait pas lieu. D'autres députés ont souligné que nous ont félicité pour le travail de sensibilisation qu'on pouvait faire au niveau de la population pour aider à démontrer et rendre constamment présent la question des paradis fiscaux dans les médias d'information, par exemple. Alors, donc, je pense que ça a été plutôt bien reçu comme mémoire, celui qu'on a présenté à la commission. Et d'ailleurs, semble-t-il, le député là, de Montmorency, en tout cas de la région ici, Raymond Bernier, qui est président de la commission en cause, eh bien, il a demandé de reconvoquer le ministère des Finances et le ministère, ou en fait l'Agence de revenus Québec, suite aux allégations que vous avez faites et celle d'Alain Deneau qui, pour la coalition Échec aux paradis fiscaux, a aussi soulevé des points importants qui ont, je pense, fait redresser le poil de certains députés. Mais qu'en pensez-vous, en terminant en quelques secondes, Roger Lanoux d'Attaque Québec, quand pensez-vous qu'il y aura des actions, des mesures concrètes pour éviter l'évitement? C'est une question de plusieurs millions ou de plusieurs trillions, qu'on pourrait dire peut-être. Alors, c'est évidemment, là, chacun des gouvernements a tendance à dire « je vais attendre de voir quel autre gouvernement va bouger avant moi ». Mais c'est un des arguments importants qu'on a fait, à savoir que ça sert absolument à rien d'attendre que le gouvernement du Canada ou le gouvernement des autres provinces bouge au Canada. c'est important de bouger, à savoir quel sera le courage politique du gouvernement en place ou la priorité qu'ils accorderont à ce dossier-là. C'est pas évident, mais enfin, nous, on a fait tout ce qu'il faut pour essayer de mettre en lumière qu'il y a des opportunités, qu'il y a des gestes concrets que le gouvernement peut faire qui ne lui coûteront pas cher, au contraire, et dont, à la limite, il pourrait se vanter. Oui, effectivement, et ce que je retiens suite à votre présentation et réaction des députés en présence, c'est que le gouvernement du Québec pourrait faire une loi, mais qui pourrait être mise en vigueur plus tard ou lorsque, effectivement, le Canada aura signé des ententes avec d'autres pays, mais le Québec pourrait être avant-gardiste et faire une loi qui pourrait être mise en vigueur dès que le Canada a signé. D'ailleurs, un des mandats importants du ministre des Affaires étrangères fédéral, Stéphane Dion, mandat donné par son premier ministre Trudeau, eh bien, c'est de mettre ça en priorité. Donc, il y a des discussions qui se font à l'OCDE, dans d'autres organismes et organisations internationales qui pourraient donner quelque chose. Ça n'empêche pas le Québec de prendre action suite à cette commission-là. Et on leur souhaite même que des municipalités peuvent le faire, comme des exemples ont été donnés de l'Île-de-France, donc la grande région parisienne, a des mesures fiscales qui font en sorte que des contrats ne sont pas donnés à des entreprises qui bénéficient d'une sorte d'évasion fiscale. Donc, merci d'avoir soulevé tout ça, Roger Nano. Je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion-là de m'exprimer. Puis effectivement, je vous signale que le gouvernement du Québec, entre autres, devrait faire pression sur le gouvernement fédéral pour que celui-ci agisse le plus rapidement possible pour mettre un terme à quelque chose qui est une escroquerie organisée, là, escroquerie légalisée, si je reprends les termes d'Alain Deneau, qui était le porte-parole des chèques opératifs fiscaux, dont Attaque Québec, d'ailleurs, fait partie. Et vous, avec Alain Deneau, Claude Vaillancourt, président de l'État Québec, seriez-vous prêt à aller faucher des chaises chez des banques qui font de l'évasion fiscale? Ça, c'est une autre question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Faucher des chaises à la française, c'est une façon, mais la configuration juridique en France n'est pas la même qu'ici. Alors, on regarde, par exemple, avec beaucoup d'intérêt ce que les Anglais ont fait mécanisme analogue là, pour alerter les populations à l'absurdité parfois là, de certains pans de mur concernant, par exemple, les mesures d'austérité du gouvernement anglais dans leur cas. Et puis, on pourrait certainement trouver des bons exemples ici. En tout cas, chose certaine... Ça pourra faire l'objet d'une autre entrevue. Merci, Roger Lanoux. Et donc, chose certaine, c'est que si on ne fauche pas des chaises ici, nous, on sait qu'on est fauché par le fait que les grandes entreprises ne payent pas leur dû, alors que nous, petits citoyens, salariés, ben, on regarde notre chèque de paye et on se dit, bon, pourquoi pas eux autres aussi? Exactement. Merci, Roger Lanoux. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché. Mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. CKRL 89.1 Nocturne. Trois polars sonores entre littérature et art audio. Une phrase captée au hasard retient mon attention. Trois duos d'artistes de Québec composés d'une auteure et une artiste sonore qui se sont inspirés de la nuit pour créer des fictions radiophoniques angoissantes et mystérieuses. Il me semblait que rien ne pouvait faire dévier mon esprit de cet engagement. Le 3 octobre, Les Lamproies de Christiane Vadnais et Myriam Rouillard. Le 4 octobre, Les Deux Sarah, Charlotte Biron et Myriam Lambert. Et le 5 octobre, Paris la nuit, Mélodie Simard-Houd et Ariane Plante. Pourquoi refuserait-on un petit bout de soi-même et de sa mémoire? L'heure du crime, 19h30. Nocturne est produite par Première Ovation, Maison de la littérature, Avatar et CKRL. La 26e édition des rendez-vous Estrade du 6 au 10 octobre dans le quartier Petit-Champlain et au Cercle sur Saint-Joseph. Plus de 40 artistes porteurs de traditions dont Réveillon, Galant, tu perds ton temps, Farah Fikeb, Crépuscule, Les Chauffeurs à pied, le duo Alex Keller et Nicolas Williams et bien d'autres. 5 jours de musique, de chansons, de danse et d'ateliers, une grande soirée toute féminine, des lancements d'albums, un bal électro-trad, la joute et la randonnée chantée. Toute la programmation sur estrade.qc.ca. un festival qui vous fera découvrir la musique traditionnelle d'ici et d'ailleurs. Le samedi 8 octobre, rendez-vous sur les lieux du crime. Activité phare du Festival Québec en toutes lettres, la 7e soirée œuvre de chair s'annonce mystérieuse. Offrez-vous d'abord de courts tête-à-tête avec une écrivaine ou un écrivain pour des suggestions de lecture. Puis, rendez-vous dans l'une ou l'autre des 10 chambres où les auteurs vous raconteront une histoire noire. Trop peur pour rentrer? On vous attend pour le dernier verre à 23h au bar de l'hôtel. Œuvre de chair, le samedi 8 octobre à l'Hôtel Pur, Québec. Une collaboration de CKRL. Festival Québec en toutes lettres, une édition noire, du 29 septembre au 9 octobre. Émission activée. Micro ouvert. Bienvenue. Émission Le Grain de Sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Tout à l'heure, il y a seulement un point avec lequel je serais en désaccord, c'est quand vous dites « ça bougera pas ». Mais il en tient à vous. Parce que la loi, on parle toujours de la loi comme étant une chose, sur les questions fiscales, on parle souvent de la loi comme étant la traduction de la volonté des dieux. On fait comme si la loi rend ça possible. Mais la loi, c'est vous qui la faites. Faites-en une qui soit conforme à ce qu'est la loi, c'est-à-dire une traduction de la conscience publique. Votez-nous des lois qui traduisent ce qu'on considère comme citoyennes et citoyens acceptables, morales, ou bien non, dignes de sanctions. Mais cette loi-là dont on parle, c'est celle que vous votez ici aussi. Et dire, il y en a des solutions techniques, il n'y a que ça. Jean de Maillard, un juge français qui écrit des livres sur cette question, nous dit qu'on pourrait très bien ne pas reconnaître une transaction financière dont on ne connaît pas la provenance ou la destination. On pourrait très bien, il faudrait un petit peu remettre en cause le logiciel idéologique du libre-échange, hein, mais on pourrait très bien se dire, lorsqu'un produit est fait par des enfants et par des femmes et des hommes qui n'ont pas droit à la syndicalisation, qui sont payés $1 par jour quand ils sont chanceux, et qui œuvrent dans des conditions dont on ne voudrait jamais, nous, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos proches, on pourrait dire, mais ce produit-là, il sera taxé à la douane pour des raisons sociales. On pourrait dire, il faut sortir des sentiers battus et faire preuve, là je le dis au sens philosophique, de je suis pour le Alors, c'est Dominique Bernier qui est au micro du Grain de Sable d'Attaque Québec. Vous avez peut-être reconnu Alain Deneau qui s'adressait à nos élus en commission parlementaire sur les paradis fiscaux. Alors, Alain Deneau, avec sa verve habituelle, a vraiment, vraiment signifié à nos élus à quel point ils ont les moyens de lutter contre les paradis fiscaux et tout ce qui manque, c'est une réelle volonté politique. J'espère que son allocution aura permis de brasser un petit peu la cage de nos politiciens qui sont tellement tièdes lorsque vient le temps d'adresser cette question qui est pourtant fondamentale, qui est vraiment importante pour la population et pour laquelle de plus en plus de gens sont conscientisés et réclament des changements en profondeur. Alors, à peu près en même temps que la commission sur les paradis fiscaux, il y a une toute nouvelle fuite qui nous est parvenue, les Bahamas Leaks, c'est-à-dire une fuite concernant le paradis fiscal des Bahamas, qu'on connaît bien, à propos duquel on a quand même parlé régulièrement à l'émission. Et cette fuite-là fait suite aux Panama Papers, dont on a parlé plus tôt, l'an dernier, lors de la saison dernière, et d'autres offshore leaks aussi qui nous ont démontré un peu combien le nombre faramineux de compagnies qui font affaire avec ces législations de complaisance situées un peu partout dans le monde. Dans le cas des Bahamas Leaks, on parle de plus de 175 000 compagnies, fiducies et fondations qui sont enregistrées aux Bahamas, dont plus de 2 000 sont des sociétés canadiennes qui ont été aidées principalement par trois banques. On parle de la Banque Royale, la RBC, CIBC et la Scotiabank. Alors, ces trois banques canadiennes ont procédé à des manipulations comptables, ont procédé à de la planification fiscale agressive pour faire en sorte d'aider un grand nombre de compagnies canadiennes à ne pas payer d'impôts. On entendait plutôt parmi les solutions évoquées par autant par Alain Deneau que par Roger Lanoux, la possibilité pour l'État de ne pas, à tout le moins, de refuser d'aider financièrement par des subventions, par des allègements fiscaux et autres, les compagnies qui font affaire avec les paradis fiscaux. Je pense, entre autres, à de nombreuses compagnies minières qui font des manipulations comptables à l'aide de compagnies écrans situées dans les paradis fiscaux. Bien, plusieurs de ces compagnies-là reçoivent quand même des subventions de la part du gouvernement du Québec pour faire de la prospection minière, pour faire de l'exploitation minière. Donc, on comprend que même s'il y a des redevances qui nous reviennent, lesquelles sont assez minimes sur les produits de leur exploitation, eh bien, ce qu'on perd en recettes fiscales par le détournement via les paradis fiscaux est plus important que ce qu'on gagne. Donc, vraiment, l'État pourrait très bien faire ça. Ce serait assez simple à faire et ça permettrait de décourager, à tout le moins, le recours à cette pratique qui, si elle n'est pas illégale, est à tout le moins immorale. En fait, la plupart des la fuite concernant les Bahamas a été faite par le Consortium international des journalistes d'enquête. Au Canada, ça a été relayé principalement par Radio-Canada et par le Toronto Star. Et puis tous ces médias-là s'efforcent d'ajouter un disclaimer, si je puis m'exprimer ainsi, dans leurs papiers, dans leurs articles, à l'effet que le recours aux paradis fiscaux n'est pas toujours illégal et que dans certains cas, il peut être légitime et tout ça. Pourquoi tenter de minimiser la portée de cette question-là? C'est de l'argent qu'on nous vole, qu'on vole aux citoyens et aux citoyennes du Québec, du Canada et de tous les pays du monde. De l'argent qui est détourné de son utilisation légitime pour financer les services publics, pour financer les protections sociales et qui sert plutôt à enrichir encore davantage le petit nombre. On sait que vous et moi, chers auditeurs du Grain de Sable, on n'a pas accès aux paradis fiscaux. C'est pas avec un revenu de 50, 100 000 ou même 300 000 par année qu'on peut vraiment faire affaire avec les paradis fiscaux. C'est réservé aux très riches et aux très grandes corporations. C'est pas la PME du coin qui va éviter de payer de l'impôt. Elle paye sa juste part, voire plus que sa part dans bien des cas d'impôts. Donc non, c'est réservé à une poignée d'actionnaires, à une poignée de gens très fortunés, à une poignée de multinationales pour qui payer de l'impôt, c'est quelque chose d'illégitime. Ça me fait un petit peu penser au débat qui a eu lieu cette semaine entre Donald Trump et Hillary Clinton aux États-Unis, où M. Trump a affirmé que s'il avait réussi à payer moins d'impôts, c'était parce qu'il était intelligent. Bien, c'est un peu évocateur de cette mentalité-là qui a cours dans les hautes sphères de la société à l'effet que si on est... C'est un peu la loi du plus retors, si on veut. Hein? C'est la loi où tout est permis. Et si on arrive à ne pas faire notre part pour la société et qu'on s'enrichit de cette manière-là, eh bien, c'est simplement parce que on est apte à le faire et que on doit donc le faire. Ce serait presque un crime de ne pas profiter de cette opportunité-là qui nous est offerte de flouer pour s'enrichir. Donc, c'est une drôle de mentalité qui est un peu difficile à comprendre quand on se situe à gauche du spectre politique, idéologique. Mais à tout le moins, on sent que cette vision-là est partagée par un grand nombre de riches sociétés, où c'est peut-être quelque chose qu'on développe à force de frayer dans ces milieux, qu'on pense à tous ces gens qui travaillent chez les Goldman Sachs de ce monde, on ne parle pas des gens qui travaillent à la caisse, on ne parle pas des petits employés, mais on parle des dirigeants, on parle de ceux qui accèdent aux postes de cadre. On dirait qu'ils s'imprègnent d'une mentalité où tout est permis. Tout est permis pour s'enrichir et il n'y a rien d'immoral qui puisse être fait à condition qu'on... si on arrive à s'enrichir, peu importe les moyens qu'on a pris pour le faire, ça devient légitime. Donc, c'était mon coup de gueule concernant cette mentalité dont on fait trop souvent les frais un peu partout dans le monde comme citoyen. Donc, les trois banques en cause dans la fuite des Bahamas, c'est la Banque Scotia, la RBC et la CIBC, comme je disais tantôt, se sont toutes défendues bec et ongles en disant que ce qu'ils font, c'est simplement d'aider les gens à planifier leur patrimoine et tout ça. Que dans le fond, ils ont des mécanismes internes pour s'assurer qu'ils ne participent pas à des procédés fiscaux qui permettraient de financer le terrorisme ou de financer le crime organisé ou de blanchir de l'argent, vous voyez. Donc, il faut leur faire confiance. Faisons-leur confiance. Ils sont établis dans des législations de complaisance d'une opacité incroyable qui nous empêche d'avoir accès à la façon dont est géré cet argent-là. Donc, on ne peut... Ce qu'ils nous demandent, c'est de leur signer un chèque en blanc, c'est de leur faire confiance aveuglément. Parce que ce seraient des entités morales qui sont là pour le service public. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'en douter, sachant que pour le Canada, il est estimé que 82 milliards de dollars nous échappent, bon an, mal an, à cause du recours aux paradis fiscaux? Personnellement, moi, je trouve ça insultant comme citoyenne. Et je pense qu'il doit être fini le temps où on fait confiance aveuglément à ces entités et que le gouvernement doit mettre ses culottes et s'assurer de serrer la vis pour que ça ne soit plus possible d'avoir recours à ces stratagèmes fiscaux agressifs. On va passer à une petite pause musicale. On va entendre le groupe Trio avec la chanson « L'opportuniste » qui est assez de circonstances. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme. Parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné, qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. Je suis opportuniste. Je suis. Non, jamais, jamais, je ne conteste. Ni revendique, toujours Dominique Bernier à l'animation de l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec en remplacement de Jean Cloutier pour cette semaine. L'opportuniste. Alors, il m'est arrivé quelque chose ces derniers temps. Ça a été de découvrir une nouvelle façon qui est prise par les pouvoirs financiers de ce monde pour faire preuve d'opportunisme. Et j'avais envie de vous en parler parce que, selon moi, il y a un lien intéressant à faire avec les paradis fiscaux. Ce sont ce que les Anglais, parce que ça a été développé en Angleterre comme bien des bonnes choses de ce monde, ce que les Anglais appellent les social impact bonds, ou qui a été traduit en France par les contrats à impact social. Mais ce sont pas tant des contrats que des titres financiers. Donc, en fait, ce sont des contrats qui donnent lieu à des titres financiers. Donc, j'avais envie de vous en parler un petit peu. Ces contrats, c'est SIB, on va les appeler comme ça, Social Impact Bonds. Ça consiste en quoi? Ça consiste en fait en faire financer par des grandes compagnies, principalement des banques, des innovations sociales qui sont mises de l'avant par des associations. Donc, grosso modo, une association a une idée d'innovation sociale qui pourrait être intéressante. Elle s'associe à une banque qui en assure le financement. La banque, en échange, peut émettre des titres financiers, c'est-à-dire des produits financiers qu'elle va pouvoir vendre et sur lesquels les autres banques et acteurs financiers pourront spéculer. Ces titres peuvent être recombinés. Vous savez comment ça fonctionne. On fait des paquets, on les revend, on les assure. Donc, il y a tout, ça s'insère en fait dans toute l'économie financière telle qu'on la connaît. Et donc, ensuite, on mesure les impacts de cette innovation sociale et s'ils sont positifs, eh bien, au bout d'un certain temps, l'État rembourse la banque selon des taux d'intérêt qui sont quand même assez généreux. On parle de 13 à 15 %. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut nous recevoir quand on place notre argent, vous l'aurez compris. Donc, pourquoi? Il y a trois arguments qui sont mis de l'avant pour promouvoir les SIB. Premièrement, c'est le fait que dans une période de pénurie d'argent public, faire affaire au privé, avec le privé, est une solution innovante. C'est quelque chose de bien parce que l'argent se trouve dans les poches du privé. Donc, pourquoi ne pas y avoir recours? L'autre argument, c'est que la puissance publique ne prendrait aucun risque avec ces SIB puisque les investisseurs ne sont payés que si les objectifs sont atteints. Et troisième argument, à terme, le contribuable ferait des économies. Donc, ce sont tous des arguments fallacieux. Vous l'aurez compris peut-être. C'est une nouvelle forme de partenariat public-privé, si on veut. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est beaucoup plus que des partenariats public-privé. Il s'agit de faire entrer tout le domaine des programmes sociaux dans le champ de l'économie financière, donc d'en faire des objets financiers sur lesquels il va pouvoir y avoir spéculation, il va pouvoir y avoir enrichissement des actionnaires. Dans les faits, on sait que la supériorité du privé sur le public n'a jamais été démontrée. Il y a plusieurs cas de partenariats public-privé qui ont été des échecs. Et les seuls SIB qui ont été lancés pour vrai, le premier cas, était censé réduire la récidive des prisonniers d'une localité de Grande-Bretagne, a été abandonné en cours de route et finalement, c'est l'État qui a dû compenser pour ce programme abandonné. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que si on se met à penser les politiques publiques en fonction d'une logique de retour sur investissement, ben là, il y a un certain nombre de problèmes qui émergent. D'une certaine part, quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer la réussite ou pas de tel programme? Bien, souvent, on va choisir les indicateurs les plus faciles à atteindre ou en tout cas les plus évidents à mesurer. Or, on sait que quand il est question de politique publique, on fait affaire avec le social. Donc, les résultats sont pas si faciles à mesurer que ça. Ça se mesure pas comme... C'est quelque chose de très subtil. Hein. Ça peut se mesurer quantitativement, mais il faut aussi mesurer ça qualitativement. Donc, ça demande beaucoup plus de recherche. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent dans les modèles qui ont été mis de l'avant en Grande-Bretagne, on a vu qu'il y avait une forme d'écrémage. Par exemple, dans le modèle dont je vous parlais de réinsertion des prisonniers, on va choisir les prisonniers qui se présentent à ce programme-là de manière volontaire. Donc, s'ils sont volontaires, ils ont sans doute beaucoup plus de chances de se réinsérer effectivement plutôt que si ça leur est imposé. Donc, on choisit d'une certaine manière les plus aptes à être réinsérés. Donc, vous voyez que ça pose un certain nombre de problèmes. Et dans les faits, ça n'apporte pas les résultats escomptés parce que, en fait, ça coûte en bout de ligne, beaucoup plus cher que ce que ça aurait coûté de mettre un programme, de financer directement les associations qui mettront un programme de l'avant pour, en fait, essayer d'atteindre des objectifs sociaux. Les associations sont beaucoup mieux placées. Et là, tandis que si on tend vers un modèle plus financier, supporté par le secteur financier, un autre impact dramatique, c'est que les associations qui proposent des innovations sociales vont axer leur impact social sur ce qui est finançable, sur ce que les gouvernements vont accepter de financer en collaboration avec les pouvoirs financiers. Donc, ça vient limiter l'innovation que c'était supposé inspirer. C'était un petit aperçu des contrats à impact social, mais sans aucun doute, on aura l'occasion d'y revenir à l'émission parce que c'est quelque chose qui est en train de s'installer lentement mais sûrement au Québec aussi. Et on veut faire la lumière sur cette question-là qui nous apparaît de haute importance. On va passer en musique avec une pièce de Yann Perrault, « Humain ». Aveuglé par le cash, le monde court à sa misère. Pendant que la planète crash, dans les rues ça galère. Humain allumé, humain battant pour un monde meilleur. Feu d'espoir contre les vendeurs de noirceur. Que courent nos idées autant que coulent les rivières. En autant qu'elles soient projetées comme source de lumière. Seul, on peut aller vite. Ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite. Ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite. Ensemble nous irons plus loin. Interdépendant, solidaire, juste humain. Juste humain. Il faut repenser le monde si on veut revoir danser le monde. Du courage pis du nerf, beaucoup plus que des bombes. Couteau entre les dents, il faut nous emparer du train. C'est écrit dans l'air du temps, toute sale chose a une fin. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Interdépendant, solidaire. Juste humain. Juste humain. Juste humain. Juste humain. Humain allumé battant pour les humains. Flot d'espoir contre les bâtisseurs de désert. Que courent nos idées autant que coulent les rivières. Ni le départ ni l'arrivée ne nous sauvera. Seule l'aventure. Ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite. Ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite. Ensemble nous irons plus loin. Interdépendant, solidaire. Juste humain. Juste humain.